Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Et oui, édition du 27 janvier 2016. Grosse émission en vue. Aujourd'hui, une première, un Mélomanes Jazz pour la deuxième partie de l'émission. Ça sera peut-être le temps pour vous de découvrir un style souvent mal aimé, mais à tort, mesdames et messieurs. Pas besoin d'avoir une maîtrise en musique pour aimer le jazz, et c'est ce qu'on va prouver ce soir. Donc, un programme très différent de la semaine dernière où on a eu droit à la seconde édition du volet Radio Pirate de Mélomanes, une appellation qui nous permet d'être un peu plus éclaté que d'habitude. On a pu, entre autres, découvrir ensemble les origines du punk et du métal dans les années 60, mais on a aussi entendu tout et son contraire. Et merci d'avoir été là, comme toujours. Donc, complètement autre chose ce soir, mais tout aussi intéressant en son genre, un spécial Mélomanes Jazz. Oui, mais dans un premier temps, on y va dans le contraste. Un paquet de chansons très récentes pour changer. Disons des 10 dernières années, grosso modo. Donc, c'est vraiment le temps de faire des découvertes ce soir, à commencer par un gars qui, ironiquement, sonne comme s'il était tout droit sorti des années 60. Je vous conseille vivement son album Holly de 2014, d'ailleurs. Nick Waterhouse au 99.1 CFNJ. Take the season very very easy, let's take pills, salt water, let's keep looking ahead. It's a baby, rich you know, but it calms me down. It's a baby, rich you know, but it calms me down. There is history in pictures. There is evidence in boxes. There is proof for your love for him long after it's dead. And every creak and trigger, I will think of you with others I could not smother out. That fire in my head, and I saw your levitating chair. I found your long blonde hairs. I felt your poltergeist present in the frame of the bed. And every creak is a trigger, I will think of you with others. I found depravity convinced me I may no longer care. It's a baby m'habillerai de tes effets. fleuve pour le CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Toujours à Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Donc, je pense que ça vous donne une petite idée de la direction qu'on va prendre ce soir pour la première partie d'émission, parce qu'il y aura un Méloman spécial jazz pour la deuxième moitié. Faites pas le saut. Et nous, on vient d'entendre un jeune compositeur, un jeune auteur-compositeur du nom de Tom Rosenthal avec sa magnifique Go Solo de 2014. En fait, le bloc au complet a alterné entre 2011 et 2014. Donc, Go Solo, une magnifique pièce interprétée au piano et qui a fait tout d'abord son chemin en apparaissant dans un film en allemand du nom de Honig im Kopf, ou en anglais Head Full of Honey. Mais ça apparaissait aussi sur son EP, ou si vous préférez, son mini-album The Pleasant Trees. Un très bon mélodiste, même si un brin mélancolique. Vous irez voir ça si vous avez une chance, ça vaut vraiment la peine. Plein de beaux airs. On a aussi entendu Mauve, un groupe québécois qui est malheureusement trop méconnu du grand public à mon goût. tiré de leur excellent album Cinéma Playmouth de 2011. On a entendu la funky pour mieux valser. Et dites-vous que des groupes comme ça, il y en a plein. Souvent, ils n'ont juste pas l'exposure. Eh bien, on leur donne ce soir. Sinon, toujours de 2011, les Torontois lugubres de Timber Timbre avec Bad Ritual, tiré de Creep on Creepin' On. Creep on Creepin' On, plutôt, un album à l'ambiance assez unique, merci, que je vous conseille d'écouter au moins une fois dans votre vie, sans dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment particulier. Et le tout qui fut amorcé, comme on le disait, par Nick Waterhouse en 2014, on a entendu la pièce High Tiding. Et on reste dans ces eaux-là un peu, avec un Québécois assez bizarre, qui est encore une fois plutôt méconnu du grand public, mais quand même connu dans son milieu. On y va avec une pièce dans une signature rythmique assez peu commune pour du pop en plus. Pour les curieux et les musiciens, il s'agit d'une pièce en 6-4. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle s'appelle Aujourd'hui et que je peux donc vous dire Aujourd'hui au 99.1 CFNJ. Down. sure you'll find yourself there. Thank you. d'un bain en laveur. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Je le connais bien, les chemins du plus lâche. Mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Nous avons l'outil, il manque la manière. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Faut-moi de ton mieux, faut-moi davantage. Gave-moi de ton amour pour chimer l'univers. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant en neveu. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Et décidément, on y va dans le rayon des découvertes québécoises. Ce soir, du moins, j'espère que ça vous les fait découvrir. Mais là, on s'entend, vous aviez sûrement entendu le nom d'Avec Podcast, un groupe qui a quand même un très bon succès depuis quelques années. Et on les a entendus avec facilement un de leurs plus gros hits qui s'appelle « La journée qui s'en vient est flambant neuve » et qui date déjà de 2012. Le temps passe vite parce que j'avais vraiment l'impression que c'était plus récent. Mais bon, on a aussi entendu un autre groupe québécois, Mono Grenade, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui ont pourtant une feuille de route exemplaire et qui font une musique qui gagne vraiment à être connue. On a entendu L'Araignée de leur premier album complet, Tantal, de 2011. Et c'était précédé en 2009 de Grizzly Bear, un groupe qui a connu un succès respectable il y a quelques années dans les milieux de la musique indépendante et qui font vraiment de très belles choses. Je vous les conseille vivement d'ailleurs. On a entendu Two Weeks, une de leurs plus connues, mais dites-vous qu'ils font aussi des longs opus de folk presque progressifs, vraiment très bons. Et on est resté dans les gros hits, si on peut dire, de la scène indépendante, très branchée. On pourrait presque dire un mélomane hipster ce soir, un autre Québécois, mais anglophone cette fois-ci, le Montréalais Patrick Watson avec sa magnifique Close to Paradise, qui nous avait estomaqué lors de sa sortie il y a déjà 10 ans de ça. Donc, plus si branché que ça, même c'est même en train de devenir un classique, on pourrait dire. Ça nous vient de son album du même nom, Close to Paradise, de 2006. Un album avec une production exquise, vraiment très bien faite. Plusieurs d'entre vous devaient déjà connaître Patrick Watson, mais j'espère qu'il y en a d'autres à qui on l'a fait connaître, c'est ça le but. Et tout ça avait commencé avec Aujourd'hui, en 2007, du groupe Navet Confit, mené par Jean-Philippe Fréchette, un petit gars de la Beauce. Mais là, on n'a pas entendu beaucoup de femmes à venir jusqu'à date, donc j'ai envie d'y aller d'un bloc entièrement féminin. On va se reprendre, on va les célébrer avec quelques beaux échantillons des dernières années. On part ça en 2011 avec une artiste belge du nom de Céla Sou au 99.1 CFNJ. Make it too other day I forgot my old address. I'm sitting pretty on the throne. There's nothing more I want except to be alone. Et sud de la Naudière pour les prochaines heures, quelques nuages, un minimum de moins 12. Faible neige pour jeudi, 2 cm, maximum de moins 2. Et neige intermittente vendredi, maximum 0. Les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs pour les prochaines heures, quelques nuages, un minimum de moins 13. Neige accumulation de 2 cm pour jeudi, maximum de moins 4. Et de la neige pour vendredi, maximum de moins 1. CFNJ. Get tied up tight. Wheat, meat, dairy, free tea, total happy, clappy, high on life. You should try it, try it, you know. Go on while no one's looking. Ah, caught you now. Caught, red-handed in the biscuit tin. Caught you to keep me quiet. Picking shots, my moves. Plastic tank and paper separate. A busy bee, wave, wave, save the planet flag. But sneaky in suburbia. Oh, can the camera hook a line and sink a 44-wheel drive? Cause you two keep me quiet. Everything is so charming, very charming. well reckoned by the fool. No one's ill at ease and put the deepest Swiss bank trust in you. No one saw it coming. Oh! La magnifique Agnès Obel au 99.1 CFNJ et vous êtes toujours à Mélomanes en compagnie de moi-même, Mathieu Lajoie, jusqu'à minuit. Agnès Obel, une Danoise, et là on parle pas de la pâtisserie, là, mais du Danemark, le pays, deux albums à son actif, deux perles que je vous conseille sans vergogne. Et on vient d'entendre un extrait de son premier album que j'aime particulièrement, Philharmonics, sorti en 2010. Un album qui a gagné 5 prix. Meilleur album, meilleure sortie pop, meilleur nouvel artiste, meilleure interprète féminine et meilleur auteur-compositeur. Donc, la meilleure du Danemark. Et donc, on a entendu de cet album On Powdered Ground. C'était précédé en 2009 d'une authentique, excentrique Imogen Heap avec une chanson intitulée Aha, tirée de son album Ellipse. Une chanson qui a été, à ma grande surprise, refaite par le groupe vocal a cappella Pentatonix qu'on avait entendu ici à l'émission à Noël. On a aussi eu droit à une chanson du premier EP, EP de Lord, on disait tantôt un mini-album. Donc Lord en fait la chanson-titre du mini-album de Love Club, sorti en 2013, que je vous conseille sans réserve aucune aussi. Vraiment, fiez-vous pas seulement à ce que vous avez entendu à la radio en général. Lord est une auteure-compositeur de grand talent et, faut-il le rappeler, c'est encore une jeunesse qui n'a pas encore 19 ans, encore aujourd'hui, et qui avait seulement 16 ans sur la pièce qu'on a entendue. Puis qui compose tout. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. C'est pas seulement comme dans une écurie du pop et on lui dit quoi chanter. C'est vraiment un auteur-compositeur, paroles et musique. Évidemment, on l'aide à arranger. Une petite génie qui nous provient de la Nouvelle-Zélande. On a aussi entendu le hit d'un album que j'avais encensé lors de sa sortie en 2015 dans ma chronique musicale du journal L'Action en ligne, soit dit en passant. Et je maintiens mes propos, chers amis, le groupe Alabama Shakes avec une pièce de laquelle on pourrait croire qu'elle a toujours existé, Don't Wanna Fight, d'un album incroyable qui s'appelle Sound and Color. Donc, Alabama Shakes, le soul et le R&B sont pas morts et la voix de Brittany Howard nous le rappelle tout au long de l'album. Vous irez voir ça si vous avez une chance. Et gênez-vous pas non plus d'aller voir ma chronique musicale. Vous tapez Mathieu Lajoie, Journal L'Action sur Google et vous y êtes. Sinon, on est resté pas mal dans le soul avec une étoile filante du monde de la musique qui est justement responsable un peu de ce retour au R&B original. On parle bien sûr de la Britannique Amy Winehouse, malheureusement décédée très jeune, de qui on a entendu You Know I'm No Good de 2006, qui est déjà un classique. Et c'était précédé de Cella Sue de Belgique avec Peace of Mind de 2011. Donc ça, c'était pour notre bloc dédié aux femmes en musique des dernières années. Et là, on arrive dans le vif du sujet, le spécial de la soirée. On passe du coq à l'âne ou presque. Ben, on a quand même été dans le soul, qui n'est pas tellement loin, mais quand même un virage à 180 degrés qui nous mène à notre première édition de Méloman Jazz. Et oui, pour le reste de l'émission, on se tourne vers ce style de musique parfois mal compris, qui recèle pourtant des trésors insoupçonnés et j'espère bien vous aider à apprivoiser la chose. Écoutez, j'aurais pu y aller dans le jazz sucré pour essayer de vous attirer tranquillement vers le style, mais j'ai décidé d'être franc avec vous et d'y aller, disons, intermédiaire, en voulant dire que j'y ai pas été dans le plus accessible, mais j'y ai pas été dans l'inaccessible non plus. Mais faites-vous-en pas, plein de gros noms qui s'en viennent, beaucoup d'instrumental aussi, parce que le jazz vocal, c'est un autre monde. Donc, on débute ça avec une pièce de 1956, tirée d'un album légendaire, qui s'intitule Saxophone Colossus. Et on salue au passage les gens de Saint-Thomas-de-Joliette parce qu'on écoute un classique qui s'appelle Saint-Thomas. Vous écoutez Méloman Jazz avec Sonny Rollins, 99.1 CFNJ. Thank you. Tout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. Méloman Jazz au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et oui, on s'aventure dans le monde du jazz exceptionnellement ce soir et on vient d'entendre une performance légendaire du saxophoniste Paul Gonsalves au sein de l'orchestre de Duke Ellington en 1966. le tout tiré d'un album sorti en 67 qui s'appelle Ella and Duke at the Côte d'Azur, rien de moins. De toute évidence, on n'a pas entendu Madame Fitzgerald sur ce morceau, mais on en a eu pour notre argent quand même. Il s'agissait d'une version bien particulière de Diminuendo in Blue, version Blow by Blow, où le saxophoniste Paul Gonzalez s'en donne justement à cœur joie. On a aussi entendu une pièce qui, croyez-le ou non, nous provient d'un opéra, mais pas n'importe quel opéra, un opéra à cheval entre le classique, le blues et, bien sûr, le jazz. Certains d'entre vous auront probablement compris qu'on parle du compositeur de légende George Gershwin et de son opéra le plus connu, Porgy and Bess, d'où nous provient entre autres l'air intemporel de Summertime, mais aussi It Ain't Necessarily So, qu'on a entendu ici par Art Farmer à la trompette et Benny Golson au saxophone ténor, ou plus précisément par le Art Farmer Benny Golson Jazz Tet en 1960, tiré d'un excellent album qui se nomme Meet the Jazz Tet. Et sinon, Sonny Rollins, et non Sonny Rollins, comme j'ai dit tantôt, je devais penser à mon vieux Walkman Jones, donc Sonny Rollins qui nous a parti ça en 56 avec pas mal un de ses plus gros hits, Saint Thomas, une pièce qui va même se retrouver un peu partout par la suite, même jusque dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 4, imaginez. Il va aussi avoir les Scatellites, les pionniers du ska jamaïcain, qui vont aussi y aller de leur version. Bref, un classique, et ça sera pas le seul ce soir, n'ayez crainte. On y va maintenant avec un très très grand, quelqu'un à qui on avait l'impression qu'il suffisait de serrer la main pour devenir une légende. Un artiste qui a toujours été à la fine pointe, toujours à l'origine d'une foule d'innovations. Mais j'ai décidé, contre vents et marées, de vous faire jouer quelque chose qu'on entend moins souvent lui. On va l'entendre encore tout jeune, alors qu'il blow, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Lui, un gars qu'on croit minimaliste, un homme de peu de notes. Là, on va voir à quel point le gars avait des chops. Désolé, j'utilise le jargon jazz ce soir. Dans une pièce composée par Bud Powell, légende du piano bebop, Miles Davis au 99.1 CFNJ. We'll be right back. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Mélomane Jazz au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et on était dans le monde très cool. Doris Silver à l'instant et ses messagers du jazz. Les Jazz Messengers, un groupe qu'on associe plus au batteur Art Blakey, qui en a été le leader pour pas mal le reste de sa carrière. Et c'est d'ailleurs lui qu'on a entendu tenir le rythme ici sur cet album, qui est en fait le premier à porter le nom des Jazz Messengers. Et c'est un album très important qui va s'avérer être un des premiers à développer un nouveau sous-genre qu'on va appeler le hard bop, qui suit chronologiquement là, dans l'histoire du jazz, le bebop. Puis on pourrait croire, on pourrait penser que le nom, là, en entendant le nom hard bop, que ça va être un style de bebop encore plus ardu, moins accessible. Mais il ne faut pas se fier à ça. En fait, c'est pas mal le contraire. Si ça se trouve, c'est un style plus accessible, basé sur des mélodies plus simples, plus soul et plus bluesé, comme on vient d'entendre. Et on en a entendu un autre exemple de ça presque 10 ans plus tard, en 1964, avec Herbie Hancock et son célèbre Cantaloupe Island. Un hard bop à tangente modale, mais là, on partira pas dans la terminologie, c'est plus technique un peu. Mais Cantaloupe Island, qu'on va échantillonner allègrement par la suite, entre autres pour le gros hit de 93 du groupe US Tree et leur pièce Cantaloupe Flip Fantasia, très connue, vous l'entendriez, vous le reconnaîtriez. Et Herbie Hancock, une autre légende du piano, un jeune prodige qui a fait ses premières armes auprès de Miles Davis et qui va par la suite devenir un des pianistes de jazz les plus influents de sa génération. On a aussi entendu le moine fou, Thelonious Monk, véritable monstre du jazz à qui on doit une foule de standards. On l'a entendu avec un de ses plus gros classiques, Straight No Chaser, en 1951. Une pièce qui va être reprise nombre de fois par la communauté jazz et qui va même donner son nom à un ensemble a cappella très connu des années plus tard qui s'appelle Straight No Chaser. Et tout ça qui avait commencé en 1953 avec un jeune Miles Davis qui venait de peaufiner son jeu auprès des maîtres du bebop Charlie Parker et Dizzy Gillespie sur la 52e rue à New York. C'est vraiment une histoire de légende. On a entendu Tempus Fugit, Le temps qui fuit en latin, une composition du pianiste Bud Powell qui lui l'appelait Tempus Fugit, qui fait référence à des fugues, qui est un mouvement, si on pourrait dire, qui nous vient du baroque. Et parlant de piano, on s'en va justement de ce côté-là avec un gros classique du jazz composé par Joseph Kosma et Jacques Prévert, Bill Evans au 99.1 CFNJ. Thank you.

di ba da ba bi ya bi ya ba ba ba di ya. She ya ya ya ba ba we ya di ba di ya do be you be do ba ya di ba do ba do be di ya. So be do ya do should ya do. Shabby-dooby, shabba-ba-doob, dee-dee-oo-ba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Cha-ba-ba-ba-ip-ip-ip-ia, flop-a-doop-ip-ia, thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Man Jazz ce soir, où on vient d'entendre une flopée de classiques, dont un des premiers exemples de jazz afro-cubain avec Manteca de 1947. Parce que oui, les jazzmen, par définition, vont être des curieux qui vont s'intéresser à plusieurs styles musicaux, dont la musique cubaine et brésilienne. Et c'est le trompettiste fou Dizzy Gillespie, un des co-inventeurs du bebop, qui va être un des premiers à s'intéresser à ce genre de musique et nous la ramener vers le nord. Et le vrai inventeur du bebop, on l'a entendu juste avant, Charlie Parker, dit le Bird, qui nous a montré comment les jazzmen sont partis du blues pour créer leur amalgame particulier sur Blues for Alice de 1951. Charlie Parker, qui est facilement une des plus grosses légendes qu'on va avoir entendues ce soir, décédé tragiquement et très jeune à 34 ans en 1955. Et parlant de Bird, on a aussi entendu une des très grandes dames du jazz dans une rare chantée ce soir, Sarah Vaughan avec Lullaby of Birdland de 1954, méga classique qui a traversé les âges. On a aussi entendu ensuite Claude Fournel nous rappeler qu'on est à CFNJ, mais juste avant, dans le plus récent, la guitare flamboyante de Jimmy Bruno au sein de son trio avec sa version époustouflante d'un standard classique en 1992. Il s'agissait de All the Things You Are, une pièce qui tire sa mélodie principale. Et là, c'est moi qui dis ça, d'aussi loin que de l'Ave Maria du compositeur baroque Giulio Caccini. Pardon, je dis pas souvent son prénom, on dit souvent l'Ave Maria de Caccini. Mais en fait, ça pourrait être l'inverse, parce que l'Ave Maria en question a été faussement attribuée au compositeur italien et aurait peut-être même été composé aussi récemment qu'en 1970. Bref, dans tous les cas de figure, il y a une grande similitude entre les deux airs, et encore une fois, on voit qu'il n'y a pas tant de frontières entre les différents styles musicaux, pas autant qu'on aimerait le penser parfois, du moins. Et All the Things You Are, qui elle-même nous provient originalement, non pas du jazz, mais d'une comédie musicale style Broadway de 1939, qui s'appelait Very Warm for Me, composé par nul autre que Jerome Kern et Oscar Hammerstein, à qui on doit une foule de standards du genre. Et on a eu droit aussi au piano flamboyant d'un des maîtres, Oscar Peterson, en 1961, avec une composition de Dizzy Gillespie, Woody and You. Oscar Peterson, qui est en fait un fait très intéressant, ça, l'arrière-petit-fils pianistique de nul autre que le compositeur romantique Franz Liszt, de qui on dit qu'il a été le plus grand pianiste de tous les temps. Donc Franz Liszt, Peterson, qui est né à Montréal, qui effectivement aurait étudié le piano avec un gars, qui avait étudié le piano avec un autre gars, qui lui aurait étudié avec Franz Liszt en personne. Donc c'est pas rien, et ça explique le jeu de piano hallucinant. Et sinon, on était dans le plus feutré un peu avec Bill Evans, qui était plus dans les palettes de couleurs pastel à la Ravel, Debussy, voire Rachmaninoff. Un pianiste qui, lui aussi, va faire ses premières armes auprès de Miles Davis sur l'album légendaire Kind of Blue. On l'a entendu la même année, d'ailleurs, en 1959, sur son premier album du Bill Evans Trio, accompagné de Scott LaFaro à la contrebasse, qui malheureusement est décédé très jeune dans un accident d'auto. Et le trio de Bill Evans ne sera plus jamais le même, parce qu'on aurait dit qu'ils entretenaient des liens quasi télépathiques ensemble. Vraiment une manière de jouer si on porte attention. Donc, Autumn Leaves, ou Les Feuilles Mortes, si vous préférez, tiré de Portrait in Jazz, un très grand album. Et Autumn Leaves, qui, il faut le dire, est pas mal un des standards les plus joués de tous les temps, une des premières qu'un étudiant jazz va apprendre. Une pièce composée par Joseph Cosma sur un texte de nul autre que le grand poète Jacques Prévert, et qui va être tout d'abord popularisée par Yves Montand. La pièce, on l'a entendu déjà à l'émission, a été suivie de son hommage de Serge Gainsbourg, cette chanson. Et là, comme on était dans les rythmes latins, on va y aller un peu dans les influences brésiliennes de bossa nova qui ont fait leur marque indélébile sur le jazz dans les années 60. après que des musiciens tels que Stan Getz et Charlie Bird se soient intéressés aux compositions d'Antonio Carlos Jobim, ni plus ni moins le Gershwin brésilien. Et nous, ils nous ont ramené ça, toute cette musique en Amérique du Nord. On écoute justement une composition de Jobim par le trio du contrebassiste de toujours, d'Oscar Peterson, Ray Brown, au 99.1 CFNJ. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Thank you.

retour à Méloman Jazz au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on vient de faire une petite incursion du côté du jazz fusion ou jazz rock des années 70. J'espère qu'on n'en a pas trop perdu. Imaginez-vous qu'on vient d'entendre quelqu'un qu'on n'aurait pas pensé classer dans cette catégorie-là d'emblée. Il s'agissait de Stevie Wonder avec Contusion, tiré de l'album double Songs in the Key of Life de 1976. Un album qui rendait aussi hommage à Duke Ellington sur la pièce Sir Duke. Donc, Stevie Wonder qui va s'adonner au jazz de temps à autre, mais qui n'est pas nécessairement un pur et dur, mais qui avait certainement le talent pour. Et donc, dans le monde du jazz fusion à proprement parler, on a aussi entendu le super groupe mythique Weather Report avec Palladium, une pièce composée par Wayne Shorter, saxophoniste qui nous provient du monde de Miles Davis. C'était tiré d'un album hautement respecté de 1977 du nom de Heavy Weather, où on pouvait retrouver les Joe Zawinul, Alex Acuna et bien sûr l'inimitable Jaco Pastorius, un des bassistes les plus influents du 20e siècle, point barre. On a aussi entendu un autre bassiste légendaire, Stanley Clark, au sein de Return to Forever, groupe de Chick Corea, un autre pianiste de la génération Derby Hancock, un petit peu après, qui a commencé sa carrière auprès de Miles Davis, je vous le dis, ils sont vraiment plusieurs à avoir passé par là. On les a entendus sur un des classiques de Chick Corea, Spain, en 1972, une pièce dont l'intro emprunte la mélodie du fameux Concierto de Aranjuez du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo, pour évoquer évidemment l'Espagne du titre de la pièce. Et sinon, le Ray Brown Trio avec une petite version de Meditation de Jobim. Et là, on arrive déjà à la fin de ce beau spécial jazz et j'ai comme envie de finir ça en faisant allusion à un style qui a inspiré le jazz plus que tout autre. J'ai évidemment nommé le blues, style pour lequel on va faire un spécial la semaine prochaine en gardant plus ou moins la même formule que ce soir, grosso modo un début d'émission qui n'aura rien à voir avec le blues et dont la deuxième partie sera dédiée au blues comme ce soir elle l'était au jazz. Ça va être un petit peu plus accessible quand même, je pense que plus de gens qui aiment le blues que le jazz, mais quand même, ça va être aussi instructif. On va entendre pour finir des exemples de jazz bluesé, tout comme la semaine prochaine, on pourra peut-être entendre des exemples de blues jazzé, donc vraiment la frontière, juste pour démontrer comme toujours que justement, la frontière est ténue des fois entre les différents genres musicaux. Il y aura entre autres le fameux blues, là, ce soir, le dernier bloc, il y aura enfin le fameux blues de Saint-Louis dans un arrangement comme seul Gil Evans sait les faire, à ne pas confondre avec Bill Evans, qu'on a entendu tantôt, le pianiste. Lui, c'est plus un arrangeur. Et du Cannonball Adderley, encore un gars qui a joué avec Miles Davis, qu'on va d'ailleurs avoir entendu au sein de l'orchestre de Gil Evans dans la pièce juste avant. On va entendre son Mercy, Mercy, Mercy. Et la dernière, et non la moindre, mais ils vont peut-être avoir autre chose, mais la dernière vraiment plus bluesée, Billie Holiday avec Strange Fruit, dont je vous reparlerai un de ces quatre parce qu'il y a vraiment une histoire reliée à ça. Écoutez, il y en aurait tellement d'autres que j'aurais pu vous mettre, mais ça ira une autre édition de Méloman Jazz à un moment donné. Mais si on a le temps, il y aura aussi ce soir une petite surprise de George Benson et une pièce du légendaire album Giant Steps de Coltrane, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui même. Je voulais pas passer à côté de ça. Jour pour jour, en 1960, est sorti un des albums les plus influents du jazz, Giant Steps de Coltrane. Donc, si le temps le permet, on va entendre une petite pièce de Coltrane en finissant. Et donc, en vous souhaitant une bonne nuit et une bonne semaine d'ici là, on se retrouve mercredi prochain dès 21h sur les ondes de CFNJ. Et on y va avec l'extrait le plus connu de l'opéra, ben oui, l'opéra Porgy and Bess, dont on a parlé tantôt. En fait, il s'agit d'une des pièces les plus reprises de l'histoire de la musique en général. Donc, dans une version de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, Summertime, 99.1 CFNJ. Thank you. gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, summertime.

Thank you. Thank you.